Le même jour, toujours à la même occasion, les officiels de la représentation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Corée ont déposé une corbeille de fleurs devant les statues en bronze des grands hommes coréens sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage.